personne à rond. Les petits gens sont dans la rue et ont craché leur haine au prince déchu. Arriba España, abajo la dictadura. Arriba España, abajo la dictadura. La cochère, elle s'est arrêtée sur le port abandonné par les dockers. Les portières se sont ouvertes, laissant s'échapper un conte de fées. Arriba España, abajo la dictadura. Arriba España, abajo la dictadura. Les murs de sa prison sont enflammés. Visage cire défend la chaleur sous le regard d'un œil dévastateur. Arriba España, abajo la dictadura. Arriba España, abajo la dictadura. Défend la chaleur sous le regard d'un œil dévastateur. Arriba España, abajo la dictadura. Arriba España, abajo la dictadura.